Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Phil Roy. Yeah! Salut Phil, comment tu vas? Ça va super bien! Oh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir, là. On est fini par trouver un bon moment. Oui, ça n'a pas été facile, mais le jeu en valait la chandelle. C'est vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. Et justement, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, ben tu sais, c'est sûr que moi, c'est fou, là. Je me suis rendu compte que au mois d'août, ça va faire 10 ans que je suis sorti de l'École nationale de l'humour. Donc, ça fait comme 10 ans que je suis comme officiellement humoriste. Puis, c'est complètement fou de prendre le temps de... Je sais pas, toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans vouloir faire de l'humour, mais tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, même si là, aujourd'hui, on est là, puis on va se raconter des moments peut-être moins glorieux, mais sauf que c'est quand même complètement fou de se dire hey, tout ce chemin-là parcouru, c'est vraiment hot, là. Ben, moi, ça fait 8 ans, ça va faire bientôt 9 ans que je me suis lancé dans l'humour. Et ouais, c'est sûr que c'est un monde incroyable parce qu'on se dit on a la chance de pouvoir travailler dans ce qu'on aime le plus. Bon, là maintenant, évidemment, avec la situation, c'est pas le cas. C'est moins intéressant qu'avant, c'est sûr, mais on survit quand même et puis on continue à pratiquer cette passion et tout. Mais c'est vrai que en temps normal, hors Covid, vraiment, c'est le top du top, quoi. Pouvoir monter sur scène, faire de ta passion un métier, tu vois. C'est une des plus belles choses qui puisse être donnée de faire. Tu as l'impression de même pas travailler, quoi. Tu prends du plaisir et c'est ton travail. Ouais, exact. Puis, je me souviens quand je rodais mon premier spectacle solo. Dans le fond, tu fais des petites salles d'à peu près, tu sais, c'est plus comme des cabarets avant d'aller dans les grosses salles, dans les gros théâtres où on peut accueillir, tu sais, 800, 3000 personnes. Tu sais, c'est pas mal. Ouais. Au Québec, c'est pas mal ça, là, les tu sais, des salles à 3000, il y en a comme deux, puis tu vas les faire trois fois dans toute ta vie, là, tu sais, à moins d'être comme, tu sais, vraiment une sincère star, là. Mais sinon, okay. Tu sais, dans des salles, c'est ça, là, un genre de 800 à 1200, là, c'est pas mal ça le quotidien. J'ai l'air de dire ça comme si c'était pas impressionnant, mais chaque fois, c'est vraiment impressionnant. Avec le COVID en ce moment, même des salles de 8,5, je prends, tu sais. Ouais, c'est full impressionnant. Oh, c'est cool. Mais ouais, c'est ça. Donc, je suis en rodage de mon premier spectacle solo. Puis, dans le rodage, nous, dans le fond, tu sais, je rode quand on monte le show, ben, tu testes les jokes, tu testes les textes, tu testes l'ordre, le pacing, tu testes un paquet d'affaires. Puis à un moment donné, ben, on teste l'éclairage. À un moment donné, on va tester dans la portion de la mise en scène. Il y a l'habillage, donc comment je vais être habillé sur scène. Ça va être quoi mes vêtements? Tu sais, tu veux pas avoir quelque chose qui, je sais pas, là, tu sais, si t'es pas un humoriste qui court partout, ou tu sais, si t'es quelqu'un qui est plus statique, ben tu veux pas vraiment t'habiller en fluo, tu sais, peu importe. Là. Fait que tu sais, avec la mise en scène, ben on jase de ça. Puis, dans le fond, nous, j'animais un show télé dans ce temps-là, puis il y avait une styliste pour l'émission de télé, puis j'y avais demandé, est-ce que tu voudrais me faire un genre de garde-robe, puis moi, je pars en tournée la semaine prochaine. Donc, j'essaierai, tu sais, plein de pantalons. Puis, tu sais, je vais faire des shows avec. Puis, plein de chandails, des t-shirts, des chemises ou peu importe. Puis, à la fin, ben je vais retrouver comment je vais être habillé. Parce que c'est quelque chose d'être beau, d'être swag. Sauf que faut quand même être confortable. Puis, tu sais, moi, je ne ferai pas un show avec un capuchon, là, tu sais. Fait que... Je suis dans une petite salle. La salle, c'était vraiment spécial. La salle était dans un centre d'achat. Donc, tu vas dans le centre d'achat, puis à côté du H&M, tu as une salle de spectacle. Oui. C'est vraiment, vraiment étrange. Fait que, c'est rare, ça, non? C'est... Moi, c'est la seule fois que j'ai vu ça. C'est le nom qui s'appelle La Boîte à Bleuets. C'est au Saguenay. C'est comme à peu près à 6 heures de route de Montréal. D'accord, OK. Parce que nous, en France, une salle de spectacle dans un centre commercial, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on en ait. Je crois pas. Si jamais quelqu'un qui nous écoute sait qu'on a une salle comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, vraiment, je ne vois pas. Et donc, en gros, il y avait des magasins, il y avait plein de trucs de shopping différents et une salle de spectacle. Exactement. Donc, on commence le spectacle. Le spectacle commence à 20h. Le centre commercial ferme à 21h. Et là, je suis sur scène. Ça fait peut-être, je ne sais pas, là, 45 minutes, 50 minutes. À un moment donné, dans le show, je fais une espèce de fente par en avant, comme une espèce de split squat. Là, tu sais, donc, je mets mon pied gauche en avant, puis je me penche à terre. Et mon gars, j'ai fendu mon pantalon de la cheville jusqu'à la boucle de ceinture, mais d'un coup, là, de même. Et là, moi, je vois pas le pantalon, là, tu sais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et là, tout le monde se met à rire. Je fais juste continuer à regarder le public dans les yeux. Je baisse pas mon regard pour voir. Puis là, je fais juste dire, là, je viens de fendre mes pantalons. Hein? Puis là, tout le monde se met à rire. C'est éventré, là, tout le long de la couture, là, c'est ça, de la cheville jusqu'à... Et là, moi, dans le fond, on est, comme je t'ai dit, on est en rodage, mais moi, tout le linge que j'ai est dans l'auto qui est... Là, je te rappelle qu'il faut que je traverse un centre commercial, pas de pantalon pour aller. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est... là, il y a quelqu'un qui a dit, le H&M est encore ouvert. Dans le fond, on a pris une pause de comme 15 minutes. Je suis allé au H&M m'acheter des pantalons pendant mon show complètement fou. Ah, c'est génial! Je suis revenu avec deux paires de pantalons, mais tu sais, je les ai pris là, en rentrant, les deux premières affaires qu'il y avait. Puis je suis remonté sur scène, puis là, j'ai dit, bon, ben, laquelle des deux paires de pantalons je prends? Et je me suis changé directement sur scène parce que j'ai dit, là, pour vrai, vous avez tout vu, là, tu sais, vous avez vu là, mes caleçons, là, fait que tu sais, c'est pas grave, là, tu sais. Je me suis changé. Ouais, voilà, autant les impliquer jusqu'au bout dans cette histoire, quoi. Exactement, puis. Donc, tu sais, là, je suis en rodage, puis ce qui veut dire que je suis retourné au Saguenay avec ma tournée comme 4-5 fois. Et à chaque fois, aux autographes, après le show, il y avait quelqu'un qui était là qui disait « J'étais là le soir où t'as fendu tes pantalons. » Puis là, hélico, cette personne-là devenait un ami. Puis j'étais là « Yes! On va-tu prendre une bière après pour parler de ça? » Puis pour vrai, c'était vraiment... c'était complètement fou. Mais tu sais, ça... Tu veux essayer de raconter ça sur scène et faire un numéro, peu importe. On dirait que c'est comme un peu impossible parce que c'est tellement surréel, puis il fallait tellement être là que... Fait que c'est ça, j'ai déjà craqué mon pantalon, mon gars. Ben, peut-être si tu le racontes en rappel à la fin du spectacle. Peut-être, ouais, exact, peut-être, faudrait que je vois ça. En mode un petit peu bonus, dire au public, mesdames et messieurs, bon, j'espère que vous avez aimé le show. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé quand je rodais mon premier show. Et là, je pense que les gens ne pourront pas douter de ta sincérité. Ouais, probablement, ouais. Faudrait que je vois. Ça pourrait être cool de faire ça. Mais là, en fait, vraiment, ce que le public a vécu avec toi ce soir-là, c'est un truc qu'ils oublieront jamais, clairement. Et à chaque fois que tu vas jouer, ils vont penser à toi comme ça. Ils vont penser à cette histoire. Et toi, tu ne l'oublieras pas non plus. Tu vois, à chaque fois que tu vas faire tes essais habillage, à chaque fois, tu vas te dire, attends, on prend une petite taille au-dessus parce qu'on ne sait jamais. Mais oui, et après ça, les pantalons que j'ai choisis pour ma tournée, je les ai fait renforcer les coutures pour être sûr que ça ne réarrive pas. C'est plus jamais réarrivé. Ah, mais c'est beau. Et du coup, la personne qui t'avait prêté les vêtements, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as rendu? J'ai ramené, j'ai dit, ah, ça sera pas ceux-là. Il y a quelque chose qui me dérangeait. Ah, c'est peut-être les coutures. On a juste ri. Puis, tu sais, ultimement, c'est un défaut de fabrication, clairement. Fait qu'elle m'a pas chargé les pantalons. Puis, elle est retournée au magasin. Puis, elle s'est fait rembourser. Mais ouais, non, c'était drôle. Puis, mais c'était bon, man. Puis, c'est là après que j'ai fait, OK, on va tout renforcer. Tu sais, puis. Mais c'est quand même drôle, tu sais, de te dire. C'est quelque chose qui aurait facilement pu être comme l'affaire la plus gênante de toute ma vie. Puis finalement, bah, c'est juste drôle. Puis l'anecdote... Écoute, tout le monde me suivait quand j'étais allé au H&M. On devait être comme 150, là. J'étais à la caisse. « Hey, je t'en chaud! » Puis tu sais, j'étais 5 minutes avant la fermeture d'un magasin, là, tu sais, puis les gens qui ont déjà travaillé en service à la clientèle, 5 minutes avant la fermeture de ton magasin, là, ça ne tente pas là, qu'il y a un client qui rentre. « Ouais, je veux m'acheter des pantalons. » Tu fais comme « Non, va-t'en. Reviens demain. Là. Voyons que tu as besoin des pantalons maintenant. Va-t'en. » Puis là, moi, je suis arrivé. Puis là, écoute, là, les pantalons tout ouverts. Parce que je ne pouvais pas aller me chercher un autre paire de pantalons parce qu'il était dans l'auto. Il a fallu que je traverse le centre d'achat, que j'aille, que je traverse le stationnement. Fait que c'était plus simple, plus rapide d'aller au H&M. Oui, bien sûr, largement. Et ce que je veux dire, en fait, par rapport à cette histoire, c'est que, heureusement, que tu es, tu vois, comédien, humoriste. C'est ça l'avantage de notre métier, c'est que, quoi qu'il se passe sur scène, on va pouvoir en tirer profit. C'est une espèce de license to laugh, tu vois, c'est-à-dire, vraiment, ouais. C'est pas grave. On a un permis, ou plutôt license to make laugh, tu vois, c'est-à-dire, on va faire rire les gens, quoi qu'il se passe sur scène. C'est-à-dire que là, si tu avais été un présentateur très sérieux d'une émission classique, vraiment une émission littéraire, mettons, une émission littéraire, et ouais. En plein milieu de ton enregistrement, tu as tes vêtements qui craquent comme ça, ah, là, c'est la fin des haricots, là, c'est terminé, là. Ouais, vraiment. Donc, heureusement, on est des humoristes et quoi qu'il se passe sur scène, voilà, tout est bon à prendre. Moi, il m'était arrivé un truc, alors pas aussi spectaculaire, je l'avais raconté dans un autre épisode, c'est que quand j'étais sur scène, en fait, j'avais une ceinture et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ma ceinture, tu vois, elle pendouillait dans le vent, tu vois, c'est-à-dire que la boucle était restée fermée, mais sur l'autre morceau de ceinture, tu vois. C'est-à-dire, ouais. Voilà, les deux parties de la boucle étaient sur le même côté de la ceinture, donc ça marchait plus. Et j'ai senti un truc qui balançait comme ça. J'ai dit, tiens, c'est quoi? Et je vois que c'était la ceinture du coup, et j'ai dit, oh mon Dieu. Et là, il y a eu une demi-seconde où je me suis dit, combien de temps les gens m'ont vu comme ça et ils m'ont rien dit, tu vois? Ça se trouve, j'ai passé un quart d'heure comme ça, tu vois, je sais pas. Donc après, je leur ai dit, excusez-moi, mesdames et messieurs, j'ai enlevé toute la ceinture et je suis venu jouer... voilà, sur scène directement avec mon pantalon un peu plus évasé. Sans filet, bien. Voilà, sans filet, exactement. Mais c'est pas grave, parce que heureusement, je te dis, on est humoriste. Si on n'était pas humoriste, ça finirait genre sur les réseaux sociaux en mode shame, quoi, tu vois. Ben oui, 100%. Là, tu sais. Bon. Ben, en fait, je pense que peu importe la situation que tu vis, c'est la manière dont tu vas réagir. C'est ta réaction face à une situation qui va faire en sorte, qui justement trace la ligne entre ça va-tu être drôle, ça va-tu être le moment le plus humiliant de ma vie, est-ce que quelqu'un va me dire aïe, c'était vraiment hot, chapeau, ou quelqu'un va se dire hey, on va l'intimider. Mais c'est vrai, mais tu vois, c'est comme quand on voit quelqu'un tomber dans la rue, ce qui est drôle, c'est pas le fait qu'il soit tombé techniquement. C'est quand la personne se relève et regarde autour d'elle qui l'a vu, tu vois. Ouais, exact. Et c'est la gêne sur son visage qui fait que c'est encore plus drôle, tu vois. Et ouais. Alors que si la personne se casse la gueule et elle se relève immédiatement en disant « Vous avez vu ? Oh punaise, je ne me suis pas raté. Hein. » Et bien là, les gens, ils vont, tu vois, ils vont pas se moquer de lui. S'il rit, c'est parce qu'ils vont dire « Tiens, il l'a bien géré, cet imprévu. » Tu vois ? Oui, exact. Mm. Puis j'avais une deuxième anecdote d'un truc. À un moment donné, je fais un show dans une... Là, on dirait que toutes les salles au Québec sont bizarrement faites, là, mais là, c'était une vraie salle de spectacle avec mon vrai show. Et en dessous de la salle, c'est un restaurant. On dirait que toutes les salles du Québec sont annexées à quelque chose qui ne fait pas de sens. Mais tu sais, souvent, il y a des salles, tu sais, qui vont offrir... Parce que tu vas voir un show, le public va voir un show souvent, il va aller au resto avant, après, il va sortir prendre une bière. Donc, la plupart des salles vont offrir le service de bar ou peu importe. Et cette salle-là est en banlieue de Montréal et c'est dans un immense complexe. Puis, il y a la salle et en dessous, il y a un restaurant. Il y a comme un steakhouse. Puis, les gens... Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est aller prendre un repas avant, puis venir voir le show qui est à 20h ou le show finit vers 22h, puis ils vont descendre en bas pour aller manger. Et je suis en plein milieu. Écoute, je suis même pas en plein milieu du show. Il reste, pour de vrai, 2 minutes. On parle de 5 phrases, c'est fini, merci, bonsoir, tout le monde a eu du fun, puis c'est fini. Et probablement qu'il y a un cuisinier qui a fait brûler un steak. L'alarme d'incendie part. Puis je t'ai dit, là, il reste 5 minutes. Là, j'étais à la fin de mon show. J'étais en sueur. Mes pantalons ont tenu le coup. Une soirée de rêve. Là. Fait que... Donc, là, ça part, puis là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là, mon technicien arrive, puis il me dit, c'est l'alarme d'incendie, il va falloir que le monde évacue. Fait que là, moi, j'ai un micro dans les mains, fait que je leur dis, bon, ben, écoutez, tout le monde, on panique pas. Puis là, c'est une grosse salle, là. Il y a presque 900 personnes là, dans la salle. Oui. Ouais, c'est une grosse salle. Fait que... Mm-hmm. Là, moi, j'ai le micro, puis là, je leur dis, bon, ben, il y a des sorties de secours. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être au décollage de l'avion, là, tu sais. Trouvez-vous la sortie de secours la plus proche, on reste calme, les hommes, les femmes et les enfants d'abord, puis on est au Titanic, puis toute l'équipe. Fait que je leur dis ça, puis en fait, il y a comme 4 sorties de secours, plus l'entrée principale dont les gens peuvent sortir. Le monde se lève, puis moi, je les anime, tu sais, puis là, je guide. Et un moment donné, je fais, bon, ben moi aussi, je vais quitter parce que j'ai pas le goût de mourir brûlé vif. Donc, je vais prendre la sortie de secours qui est la plus proche de la scène et qui s'avère, puis ça, je le savais pas, traverse les loges. Donc, il y a à peu près, je sais pas, une centaine de personnes qui prennent aussi cette sortie-là. Puis là, mais moi... J'ai un micro, puis là, moi, je suis en chaud, là, tu comprends? Moi, je trouve juste ça drôle. Il n'y a pas de flamme, pas de fumée. Je me dis, hey, à la limite, c'est un exercice de feu ou peu importe. Et donc, j'anime la marche. Tu sais, je fais... Et on passe dans les loges, et là, je fais rentrer tout le monde dans les loges. Il y a mon linge, tu sais, un peu partout. Il y a les coffres de tournée. Puis je leur fais un genre de show. OK. Voici ce qu'il y a dans... à quoi ça ressemble une loge de tournée, nanana, nanana. Et il y avait une fille qui est productrice qui s'appelle Julie Snyder. Je sais pas si tu... Ah, bien sûr, Julie Snyder. Oui, oui, elle avait une émission en France. Exact. Julie est là. Puis Julie a fait, oh my God, Phil, c'était donc bien drôle l'animation de ça. As-tu déjà pensé à animer un show de télé? Puis on a sorti un show produit par Julie Snyder qui s'appelait Phil s'invite. Puis le but, c'était que j'allais chez les gens et dans le fond, je rentrais chez les artistes. Puis on faisait un talk show. Au lieu que les artistes viennent sur le plateau du talk show, on déplaçait le plateau du talk show chez les artistes. Puis on a fait ça pendant 2 ans. Mais si Julie n'était pas venue voir mon show ce soir-là, puis qu'il n'y avait pas eu l'alarme de feu, est-ce qu'à ce moment-là, tant que ça, on aurait travaillé ensemble? Je ne sais pas, tu sais, mais moi, je trouve que c'est ça, quand ça ramène à ce qu'on disait tantôt. C'est important toujours, peu importe ce qui arrive, c'est la réaction puis ce que tu vas en faire. Tu sais, comme c'est quelqu'un qui tombe à terre, il se relève, il fait une joke ou bien il fait une face ou peu importe, ça peut mener ultimement à quelque chose de beau. Là, je suis en train de dire, à toutes les fois que vous allez tomber, dites-vous, est-ce qu'il y a un producteur qui regarde? Oh, yes, c'est une roulade! Ah, on repart les Yamakasi. Le premier réflexe, dès que tu tombes, tu regardes, tu fais Julie, Julie! Tu vois, voilà. Alors, vraiment, vraiment, c'est magnifique comme anecdote, parce que là, un accident, c'était un imprévu, tu as réussi à improviser dessus, et finalement, tu t'en sors avec une émission pendant 2 ans, c'est génial. Je veux dire, le cuisinier en question qui a brûlé le steak, à quel pourcentage il aura droit? Vas-y. Il y a comme 5%, ça va être bon. C'est déjà pas mal. Puis, cette émission-là, Phil s'invite, c'est plate parce que on avait comme vraiment beaucoup, on avait des bonnes cotes d'écoute, on avait beaucoup de plaisir puis à le faire. Puis dans le fond, c'est la COVID qui nous a comme tués, dans le fond. Fait que le show, nous autres, dans le fond, c'est drôle parce que le dernier tournage qu'on a fait, on l'a fait à Bruxelles. Parce que on l'a fait à Liège, j'ai fait la première partie de Véronique Dicker. On a fait un Phil s'invite avec Véronique Dicker dans son autobus de tournée. Puis j'ai fait sa première partie au stade de Liège, au Forum de Liège. Au Forum de Liège. Oui, oui, oui. C'est la grosse salle de Liège, là, oui. Ah ouais, c'était complètement fou, là, cette salle-là. Il rentre 3000 personnes, c'était sold out. C'était vraiment une soirée complètement, complètement folle. Puis il y a quelque chose quand même de se dire, Phil s'invite, ça a commencé à la fin d'un show avec une alarme de feu. Puis le dernier tournage, j'ai fait la première partie de Véronique Dicker devant 3000 personnes qui ne me connaissaient pas. Puis tu vois, s'il n'y avait pas eu la COVID, bien, on aurait eu une saison 3 de Phil s'invite. Et ultimement, j'avais 2 autres shows de bouquet si je voulais revenir... en Belgique. Fait que, tu sais, moi, il y avait quand même quelque chose de le fun. Mais après, je me dis, ça a commencé par un show, puis ça s'est fini sur un show. On dirait qu'il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans. Oui, ouais, bah, la boucle est bouclée, mais je veux dire, là, quand toute cette histoire sera terminée, ça pourra revenir. Ben, j'espère, mais tu sais, c'est sûr que moi, entre-temps, j'ai développé d'autres trucs, tu sais, j'ai déposé d'autres projets d'animation de télé, tu sais, fait que, est-ce qu'on va être rendu là, puis ça va prendre combien de temps avant qu'on ait le droit, puis avant que les gens aient le goût de recevoir des gens chez eux, tu sais, recevoir des amis, c'est un truc, mais recevoir une équipe de tournage, c'est beaucoup de monde, hein. Mais écoute, on verra bien quand les spectacles reprendront, il faudra se renseigner si le cuisinier est disponible. C'est le plus important, c'est vraiment le plus important. Oui. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que les gens qui suivent ta carrière, quelque part, avec les deux belles anecdotes que tu viens de me raconter, c'est que je me dis que les gens qui suivent ta carrière doivent se dire, Phil, quand il est sur scène, il déchire tout et il met le feu, tu vois. Exact. Je peux rien rajouter à cette phrase-là. Vraiment. Mais trop peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir une telle pub. C'est vraiment génial, tu vois. Alors, soit tu as tout mis en place et vraiment, c'est du génie. Soit tu es un génie de l'improvisation et je pencherai pour celle-là. Franchement, bravo. C'est magnifique. Mais c'est ça que j'aime, moi, tu vois, là-dedans. C'est que quand on est humoriste et tout, quand on fait de la scène, quoi qu'il se passe, quelque part, on est fearless, tu vois. On a vraiment peur de rien. Quoi qu'il se passe dans la salle, on va en tirer un profit, on va improviser au mieux et les gens vont voir notre sincérité et les gens aiment ça parce qu'ils se disent, c'est pas possible que ce soit préparé. Ça s'est passé sur place. Il a fait ça pour nous. On a vécu quelque chose d'unique, tu vois. Et vraiment, c'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que quoi qu'il se passe, quand ça se passe bien, bah, tant mieux. Et quand il y a quelque chose qui part en vrille, eh ben, à ce moment-là, on improvise et puis ça peut donner quelque chose d'encore plus sincère, d'encore plus authentique. Ouais, t'as raison. Eh ben, merci beaucoup, Phil, pour ces belles anecdotes. Ah, c'était vraiment magnifique, hein, franchement. c'est des anecdotes vraiment... j'aurais jamais imaginé que de telles choses puissent se passer, mais c'est le but de ce podcast. C'est vraiment... tu vois, quand les gens me racontent des anecdotes qui me surprennent, je me dis quand même, on fait un beau métier, il nous arrive des choses de malade et je suis sûr que les prochaines anecdotes, il y en a encore qui vont m'étonner et tout. C'est ce qui fait la beauté de cette passion, tout simplement. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux Phil Roy, donc tout attaché sur Facebook et sur Instagram. Exactement. Ok, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.